avec l'EFS, l'établissement français du sang, pour une collecte de sang, le don du sang. Aujourd'hui, jeudi, à l'école du Sacré-Cœur de Saint-Denis, c'est jusqu'à 15h, mais aussi à la mairie du Tampon de 8h30 à 12h30. Et demain, à la mairie de Saint-André de 8h à 13h et au Géant Lachatoire du Tampon demain de 13h à 17h également. La fête de Carly, prévue ce dimanche 26 juin 2016 au temple de Beaufont de Saint-Benoît, et est annulée et reportée à une date prochaine, sachez-le. Réunion première, cet espace est le vôtre. Vos communiqués, vos messages par fax au 02 62 40 68 33 ou par mail à avis@francetv.fr. Ziggy X, they got one more problem with you, girl. Hey. Bonne fin de matinée avec Première. On se retrouve dès demain à partir de 10h. Merci de votre fidélité à Réunion Première. Il est midi à La Réunion. Tout de suite, le journal de la rédaction, Cécile Thomas. Bonjour Cécile. Bonjour Lionel, bonjour à tous. 12 ans de réclusion criminelle pour Denis Latra. Le verdict est tombé ce matin. Il a été reconnu coupable de tentative de meurtre sur son ex-compagne. Les élus de la région sont réunis depuis ce matin en séance plénière. Ils devront notamment voter le bilan d'activité et le compte administratif. De nombreuses motions ont été présentées ce matin. Nous ferons le point avec Bruce Régent. À Saint-Louis, l'intersyndicale de la commune s'inquiète pour l'avenir de ses fonctionnaires. La ville a annoncé qu'elle souhaitait ne plus avoir recours aux centres de gestion qui gèrent leur carrière. Une décision politique, critique l'intersyndicale. Nous l'entendrons. Et puis, première journée d'épreuve pour les candidats au brevet des collèges. Olivier de la Richaudie était ce matin au collège Mille Roches à Saint-André. Reportage à la fin de ce journal. Réunion première, Cécile Thomas. Aux assises, Denis Latra a été reconnu coupable de tentative de meurtre sur son ex-compagne. Il a été condamné ce matin à 12 ans de réclusion criminelle. En août 2014, à la rivière Langevin, il a tenté de tuer la jeune femme sous les yeux de leurs enfants. L'accusé a tenté de noyer la victime avant de la frapper violemment. Hier, il avait reconnu les faits et surtout reconnu avoir voulu la tuer. L'avocat général avait requis 14 ans de réclusion criminelle. À l'annonce du verdict, l'accusé a reconnu que c'était à la hauteur de la gravité de son geste. Maître Séverine Ferrante. Monsieur Latra entend évidemment pas faire appel de la décision. C'était convenu dès le départ, il est venu pour assumer, quelle que soit la peine qui allait être prononcée. Il comptait s'y conformer et aujourd'hui, je pense qu'on a eu une peine juste en deçà des réquisitions. Je crois que les jurés ont réussi à entendre le côté humain et les regrets sincères de Monsieur Latra. Et du côté de la partie civile, c'est un soulagement. Maître Norman Omargy. La justice est passée. C'est une peine qui me paraît juste au regard de la réalité des faits, de la souffrance de la victime, du contexte particulier. Et fort heureusement, ma cliente est toujours de ce monde. C'est l'espérance dans ce dossier. Comment justement votre cliente perçoit ce verdict ? Avec beaucoup de soulagement. Elle avait demandé au juré de la cour d'assises de trouver un équilibre entre sa souffrance et aussi son statut de mère des enfants de l'accusé. Cet équilibre, je pense, a été trouvé. Un des propos recueillis par Nadine Bachelot. Assemblée plénière aujourd'hui à la région avec comme dossier important celui de nos déchets. La gestion des déchets était jusqu'à maintenant une compétence du conseil départemental. Elle vient de passer aux mains de la région. Il faudra faire des choix stratégiques comme celui d'installer ou non un incinérateur. Didier Robert s'est déclaré contre. Les élus vont voter aujourd'hui le bilan d'activité et le compte administratif. 1,440 milliards de dépenses, 1,3 milliards de recettes en 2015. Mais ce matin, il y a eu un long préambule des motions très variée, Bruce Régent. D'abord la question des incinérateurs avec une demande de référendum et une insistance sur les alternatives. Mais aussi, tour à tour, la souffrance au travail des agents de la région, de plus en plus nombreux. La question de l'accès des PME au marché public, comme le nouveau franchissement de la rivière des Galets. Le problème de l'organisation et la gestion des sociétés publiques locales, jugées opaques par l'opposition. Et surtout, surtout, la question des carrières, celle de Bois Blanc en particulier. Toutes les motions de la matinée ont été remises à plus tard. Et pour faire bonne figure, celle de la majorité aussi. Majorité qui est revenue sur l'importance de l'énergie solaire, sur la situation des orthophonistes et sur la question du recrutement régional à l'université avec une demande d'enquête administrative faite au recteur. Tout ça sera examiné en commission sectorielle, dit le président Didier Robert qui se montre pressé ou soucieux de débats plus concis, de quoi vite à casser l'opposition qui veut utiliser son droit à l'expression et s'exprime justement à chaque occasion sur les problèmes de déchets et de roches. Toujours les mêmes arguments qu'à l'extérieur, ironise le président de région, j'aimerais de la synthèse pour votre santé. Finalement, la seule synthèse ce matin, c'est sur la situation à Mayotte, car les deux motions sur ce sujet sont reportées, certes, mais avec bienveillance, à une commission ultérieure, mais toute prochaine. Bruce Régent. Rien ne va plus au centre de gestion. Le CDG gère la carrière des fonctionnaires, leurs avancements pour les agents de la plupart des communes. Saint-Louis envisage de se passer de ses services et cela inquiète fortement l'intersyndicale de la commune. Force ouvrière, la CGTR, la CFTC, la SFPTR et CFDT dénoncent les conséquences d'une telle décision. Voilà ce qu'elle entraînerait pour ses agents. Pour eux, la mairie n'a pas les moyens financiers d'assurer assumé la création d'un outil de gestion des carrières de ses agents. L'intersyndicale accuse, pour elle, c'est une décision purement politique. Elle demande au conseil municipal de ne pas acter la sortie de la commune du CDG. Wilson Adras, membre de l'intersyndicale. Ça doit être acté la sortie au 1er janvier 2017. Pendant 6 mois, la carrière des agents, des titulaires de Saint-Louis vont être figées. Pas d'avancement de grade, d'échelon, pas de promotion en interne, pas d'attribution de poste sur des concours. Et puis, on sait le contexte politique de Saint-Louis où on a des administratifs proches de la majorité. On ne veut pas que la carrière des agents soit gérée par des partisans qui feraient arbitrairement leur travail et ça serait à la tête, comme on dit en créole, et un vrai clientélisme. On n'a pas les moyens économiques de le faire. On n'a pas les moyens humains en termes de qualité, en termes de neutralité pour le faire. Wilson Adras répondait à Pierre Comorassami. Selon l'intersyndicale, une sortie de Saint-Louis, Saint-Pierre et le tampon du CDG entraînerait aussi un plan social au sein de l'organisme. Nouvelle journée d'action contre la loi travail aujourd'hui. À La Réunion, les syndicats avaient rendez-vous pour manifester à 10h devant le siège du MEDEF. Ils étaient 200 sur place. Ils reprochent à Yann de Prince, le patron des patrons réunionnais, d'avoir qualifié de voyous les responsables de la CGT. Une preuve de plus que les partenaires sociaux ont beaucoup de mal à dialoguer. Des syndicats et des patrons à qui le préfet a adressé un message ce matin sur Réunion Première. Dominique Saurin était l'invité de la matinale. Surtout, je crois, ce qui est important, par-delà la loi El Khomri, mais aussi au travers des dossiers sociaux qu'on peut avoir à La Réunion, c'est le dialogue, c'est la chose la plus importante. On a eu un certain nombre de conflits au cours de ces dernières semaines, de ces derniers mois, et je me rends compte que l'un des problèmes sur lequel on peut achoper, sur lequel il peut y avoir des blocages, c'est parce que les gens ne se parlent pas assez, ne discutent pas assez entre eux pour trouver des solutions. Dans le BTP, le conflit s'est terminé à la préfecture, où j'ai dû assurer le dialogue entre partenaires sociaux. Le rôle de l'État, mon rôle, c'est d'essayer de renouer ce dialogue, d'essayer de trouver des solutions, mais ça ne peut pas toujours se passer dans les locaux de la préfecture, ces affaires. Ça doit être accompagné de critères pour déterminer dans quelles conditions des augmentations salariales peuvent se produire, par exemple. Le niveau d'activité, le taux d'inflation, le carnet de commandes, ça doit être préparé. Dominique Saurin, le préfet de La Réunion avec Philippe Dornier. Dominique Saurin qui, par ailleurs, promet de continuer les campagnes contre l'alcool. Il qualifie d'inadmissible le drame de vendredi dernier sur le Land Castel. Un conducteur de poids lourd a provoqué la mort d'un jeune de 25 ans. Le chauffard avait 4,79 g d'alcool dans le sang. Le préfet qui s'est aussi exprimé sur le référendum sur la carrière de Bois Blanc. Juridiquement sans conséquence, mais c'est un élément du dossier, a dit Dominique Saurin ce matin. On vous en parlait dans nos éditions aussi ce matin. Le personnel des urgences à Saint-Pierre proche du burn-out. Il y a 3 jours, le service a connu une affluence record, 165 patients. Sur une seule journée, des malades qui ont dû attendre parfois plus de 10 heures avant d'être soignés. Des urgences débordées, c'est courant en France. Mais pour le docteur Jérôme Le Mans, chef du pôle réanimation urgence et cardiologie à Saint-Pierre, il est urgent de débloquer des moyens supplémentaires. 3 problèmes pour les urgences du CHU de Saint-Pierre. Le premier, c'est d'avoir les effectifs nécessaires pour que la deuxième équipe de SMUR soit présente la nuit, ce qui n'est pas le cas. Elle est présente que la journée. La nuit, il n'y a qu'une seule équipe disponible. Elle est presque tout le temps occupée. Le deuxième souci, c'est que vous savez, au niveau national, Marisol Touraine voulut faire en sorte que les urgentistes ne travaillent pas plus que 39 heures. Pour l'instant, ils bossent plutôt 48 heures. Donc il va falloir des effectifs beaucoup plus nombreux pour respecter ça. Le troisième problème, c'est que nous pensons, vu le nombre de patients qui augmentent sans cesse aux urgences, qu'il serait raisonnable de mettre une équipe médicale, en plus de celle existante, au sein du service des urgences 24 heures sur 24. Jérôme Le Mans, chef des urgences de Saint-Pierre, était avec Suzette Emma. Direction Mayotte où les villes s'équipent de lampadaires solaires. Les premiers lampadaires de ce type ont été installés en février dernier et le bilan est plutôt positif pour Électricité de Mayotte qui propose désormais aux collectivités qui le souhaitent d'adopter ces équipements solaires. Abi Saïd Adinani. Des lampadaires solaires qui ne nécessitent aucun raccordement au réseau électrique et une installation qui permettrait une économie de plus de 80% sur l'énergie consommée. Les arguments séduisent les collectivités qui, face à l'insécurité grandissante, ont fait de l'éclairage public une priorité. La commune de Mtamboro a déjà effectué les études préalables à l'installation de ces lampadaires. Hachim Soyerdi, directeur de service au territoire à la mairie, espère que le chantier sera lancé rapidement. On a pas mal de difficultés liées aux éclairages publics. Ça représente presque 60% de nos factures dans la commune. Donc on a tout intérêt à vraiment réduire ça. Surtout éclairer toutes les zones qui sont peu éclairées. C'est juste des poteaux qu'on va poser sur place et pouvoir éclairer des zones sombres. Mais toutes les collectivités n'en sont pas au même point. Pour espérer être soutenues financièrement par Électricité de Mayotte, un dossier doit être envoyé avec notamment le bilan énergétique du parc existant. Yacine Chouabia, directeur général d'EDM. On a un budget, certes, mais qui n'est malheureusement pas illimité. Aujourd'hui, on est sur la centaine de milliers d'euros pour l'année 2016, ce qui devrait permettre l'émergence de beaucoup d'éclairages publics sur le territoire. Mais en revanche, il ne faut pas tarder, car c'est un sujet qui nous intéresse tous et qui intéresse tous les demandeurs. Les dossiers des collectivités seront traités en priorité. Abisaïd Adinani de Mayotte Première. Après les candidats au bac, ce sont les 14 663 candidats au brevet des collèges qui planchent aujourd'hui et demain sur les épreuves écrites et une épreuve orale. Ce matin, le recteur était au collège Milroche à Saint-André. Dans cet établissement, 300 élèves passent les épreuves du brevet. Olivier Delarichaudier était avec eux. Alors, stress ou pas ce matin avant la remise des sujets? Un petit peu stressé, mais ça va, c'est juste une épreuve, donc ça va aller. Et un domaine que tu redoutes le plus? Franchement, ce serait les maths. Mais sinon, l'histoire, j'ai bien révisé, donc ça va. Et le français, c'est un texte, il faut juste répondre aux questions. C'est l'épreuve que je redoute le plus. Français, bon, mes débrouilles à moi, mais... Tes rédactions, qu'est-ce que tu crains le plus là? Plus dictée, parce que c'est on a droit à 6 fautes après les mots. Ça va aller, parce que on a pris. Que t'as bien bossé pendant toute l'année? Oui. Tu stresses ou tu es confiant? Non, pas du tout. Je suis plutôt confiant. Je pense que maths, ça sera difficile, mais histoire, je suis plutôt confiant en histoire. On va dire que le français, ça va. Je me débrouille pas mal. Et après, on appréhende un peu maths. Histoire, il faut apprendre. C'est du par cœur. Et puis, on verra comment ça se passe. On leur souhaite bon courage et de la réussite cet après-midi. Donc les maths, demain matin, l'histoire géo. Et demain après-midi, l'épreuve orale d'histoire des arts. Les titres de l'actu nationale et internationale, un peu sportive aujourd'hui avec nos confrères de France Info, Marie Bernardo. Le référendum au Royaume-Uni, les bureaux de vote sont ouverts depuis près de 2 heures. Les Britanniques doivent dire s'ils veulent ou non rester dans l'Union Européenne. Les deux camps font jeu égal. On connaîtra le résultat qui s'annonce très serré demain matin. Avant ça, cet après-midi à Paris, on suit la manifestation contre la loi travail organisée par 7 syndicats. Organisée dans la douleur, interdite hier matin, autorisée quelques heures plus tard. Le cortège partira à 14h de la place de la Bastille. Direction la place de la Bastille. Un aller-retour au bord de l'eau d'1,6 km. Manifestation dans d'autres villes aussi, comme Bordeaux, Marseille ou encore Lille. C'est à Lyon que les footballeurs français joueront leur 8e de finale de l'Euro dimanche. Les Bleus connaissent leur adversaire depuis hier soir. Ce sera l'Irlande qualifiée grâce à une victoire contre l'Italie 1-0. Et puis le Solar Impulse vient de boucler les 2/3 de son tour du monde. L'avion qui marche à l'énergie solaire a fini sa traversée de l'Atlantique partie de New York. Il a atterri 4 jours plus tard et ce matin à Séville en Espagne. France Info. L'info revient à 13h. Bonne journée à tous, Chloé et Philippe Dornier pour la suite. Bonjour. Bonjour Cécile, bonjour à tous. Un revenu pour tous, que l'on travaille ou pas, c'est l'idée du revenu de base pour tous. Bonne ou mauvaise idée? Les Suisses se sont posé la question lors d'un référendum. La réponse a été non, mais à La Réunion, l'idée fait son chemin. C'est dans l'actu ce midi, Philippe. Et elle est portée, Cécile, par le représentant local du revenu de base, Loïc Damet. Il sera avec nous dans un instant, ainsi qu'un autre partisan du revenu universel, Jean-Pierre Técher, du collectif de lutte contre l'exclusion. Tout le monde n'est pas convaincu maintenant par cette idée. On le verra avec notre troisième invité, l'économiste Jean-Yves Rochou. Et vous, êtes-vous d'accord pour qu'on donne de l'argent à tous les Français, qu'ils travaillent ou non? 02 62 99 2000 pour nous donner votre avis et puis aussi poser vos questions à nos invités. Réunion première, Philippe Dornier. Dolène de la Direction Régionale des Routes est avec nous sur Réunion Première. Bonjour Dolène. Bonjour à tous. Alors, ce qu'on peut dire du réseau routier, c'est qu'il y a pas mal de trafic malgré cette mi-journée. Donc, je prends l'exemple de la sortie est de Saint-Denis. Au niveau de Duparc, il y a pas mal de monde. Donc, je suis bien sûr en direction de Saint-André. Et puis, pour terminer, sachez qu'il y a cet accident sur le boulevard sud au niveau du carrefour Belle-Pierre. Un accident sur la voie médiane en direction de l'ouest, donc de la route du littoral. Soyez très prudents dans ce secteur. Et il faut s'attendre, du coup, à des bouchons qui vont très vite augmenter sur ce fameux boulevard sud. Voilà tout, bonne route et puis bien sûr bon appétit à ceux qui sont à table. Merci Dolène, bon appétit à vous aussi, à plus tard sur Réunion Première. Les inforoutes, c'est sur Réunion Première. La situation s'améliore sur les régions de l'Est, écrit Météo France ce midi. Ailleurs, le temps restera bien ensoleillé, agréable sur l'ensemble de la Réunion, avec prédominance de belles périodes ensoleillées. Cet après-midi, des nuages vont se développer sur le relief, laissant les pluies au sommet dégagées, des pluies localisées éphémères du côté du Maïdo ou du Dodane. Sur la côte ouest et sud de Saint-Paul à Saint-Joseph, le ciel sera bien dégagé, avec une hausse des températures, quelques débordements nuageux attendus le long des plages en fin de journée. Le vent s'orientera à l'est en restant modéré. Les rafales atteindront 45 km/h sur Saint-Denis, 40 à 50 sur Saint-Pierre, avec une prédominance de brise sur les plages de l'ouest et sur la région du port. Tous les samedis, 21h-23h, compas, salsa, reggaeton, zouk. Jean-Claude Machir. Tous les sons qui vous ont fait danser sont sur Réunion Première dans Musique Caraïbe. Tous les samedis, 21h-23h. Musique Caraïbe sur Réunion Première. Retrouvez les avis de décès tous les jours sur Réunion Première à 5h50, 11h50, 13h50 et 17h50. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuelle Obsèques et Complémentaire Santé. Envie de fraîcheur ? Vous avez accueilli ce matin les premiers fournisseurs. Prisca sur Réunion Première. Lundi au vendredi, sur les étals des marchés de notre île, avec vous. 5h45, 6h20, 9h55, 10h28. C'est la fraîcheur. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Il fait plaisir à voir à vous préparer un bon curry, mon chéri. Oui, un curry, il faut préparer un lit. Vous connaissez une retraite aussi. On a bientôt 62 ans. Il faut regrouper de papier dès maintenant. Il n'est pas automatique? Non, il faut vous déposer votre dossier retraite complet 6 mois avant la date prévue. Au moins, vous serez sûr d'être payé dans les temps. Un conseiller retraite CGSS, il peut aider à vous. Futur retraité, pour bénéficier de votre retraite dans les temps, contactez le 3960 et déposez votre dossier complet 6 mois avant votre départ. Service 0,06 centimes d'euros la minute, plus prix d'un appel local. Poussez les portes du conservatoire Rayonnement Régional. Elles vous seront ouvertes du 20 au 25 juin à Saint-Benoît, Saint-Denis, Saint-Paul et Saint-Pierre. Vous y découvrirez les nouveautés de la rentrée, la danse africaine et afro-cubaine dès 11 ans et redécouvrirez les danses traditionnelles de la Réunion. Maloya, Séga, Quadrille. Toutes les informations sur ces portes ouvertes, Séga, Quadrille. Toutes les informations sur ces portes ouvertes et... Base, c'est en tout cas l'espoir porté par les partisans de ce projet. Projet qui consiste à attribuer une somme d'argent à tout le monde, de la naissance au décès, que l'on soit travailleur ou non. Une idée qui n'a pas séduit les Suisses au début du mois, mais qui intéresse de plus en plus de monde en France, y compris à La Réunion. Cette allocation universelle reste encore floue, notamment son montant entre l'équivalent du RSA et 1000 euros, plusieurs options sont évoquées. Qui financerait ce revenu de base? Est-ce qu'il menacerait la valeur du travail? Le contexte est-il favorable pour sa mise en place? C'est dans l'actu sur Réunion Première. Midi 13h, c'est dans l'actu. Philippe Dornier. Et on attend vos appels au 02 62 99 2000, vos SMS au 06 92 608 335 et puis via les réseaux sociaux, la page Facebook C'est dans l'actu et le hashtag CDL à première pour Twitter. Trois invités avec nous ce midi, je vous le disais tout à l'heure, Loïc Damet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le coordinateur réunionnais du mouvement pour le revenu de base. Jean-Pierre Técher est également avec nous. Bonjour. Bonjour. Le président du CLE, collectif de lutte contre l'exclusion. Et puis un économiste, Jean-Yves Rochou, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors, question toute simple pour savoir de quoi on parle déjà. En quoi consiste le revenu de base, qu'on appelle aussi revenu d'existence, revenu inconditionnel, allocation universelle? Il y a plusieurs façons de l'appeler. Loïc Damet, comment vous pouvez expliquer? Bien, comme vous avez introduit le revenu de base, c'est en fait un revenu minimum inconditionnel qui est versé à tout le monde, de la naissance à la mort, quelle que soit sa situation, c'est-à-dire que l'on travaille ou que l'on ne travaille pas, et du même montant. Il est aussi inaliénable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prélever des montants qui seraient dus par une autre administration. Et ils sont... On ne peut pas prendre d'argent dessus. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, au sein du... Comment fonctionnent du coup les prélèvements qu'on connaît aujourd'hui, je veux dire, les administrations, pour les personnes qui ont des prélèvements automatiques, par exemple? Oui, c'est ça. Le revenu de base, en fait, est un revenu socle. Il n'arrive pas sur un compte en banque? Si, bien sûr. Non, mais il est un revenu socle. Ça ne veut pas dire qu'on n'a que ce revenu-là. Il est cumulable avec le salaire. Donc, à partir de ce moment-là, on a un revenu de base et un revenu supérieur, qui nous permet d'atteindre 1 000 euros ou 2 000 euros en cumulant les deux. Donc les prélèvements effectivement automatiques, comme vous dites, et quand on signe un contrat comme ça, on s'engage, et il faut qu'on ait suffisamment de revenus autres que le revenu de base. Non, vous dites qu'il ne peut pas être ponctionné, c'est pour ça que je... Oui. Inaliénable. D'accord, donc ça veut dire qu'on n'y touche pas, on peut y toucher, la personne qui le touche peut évidemment s'en servir, c'est fait pour, voilà. Mais ça ne doit pas aller ailleurs. C'est un peu ça l'idée. Par exemple, les services fiscaux ne peuvent pas faire de prélèvement dessus. Voilà, c'est la question que vous posiez. Ouais. D'accord. Quels avantages présente ce revenu de base? Alors, dans notre situation actuelle, avec le niveau de chômage qu'on connaît, nous pensons que le chômage ne sera pas près de diminuer, malgré la reprise qu'on nous annonce de 1,6% de croissance pour cette année. Alors, on sait qu'on commence à créer des emplois à partir de 2%, donc c'est pas comme ça qu'on va résoudre le problème. Il va falloir réfléchir à un autre système de société. Comment est-ce qu'on va pouvoir faire en sorte que toutes les richesses qui sont produites par les industries, par les machines, puissent ensuite être acquises par la population? De plus en plus, on assiste à l'automatisation, à la robotisation. Et forcément, les robots sont moins payés que les humains, il n'y a plus de salaires qui sont versés, donc on va arriver de plus en plus dans des entreprises avec une haute intensité capitalistique et de moins en moins de salariés. Donc c'est ce qu'on constate déjà actuellement. Donc il faut s'organiser pour que des revenus arrivent malgré tout aux futurs consommateurs. Jean-Pierre Teicher, pourquoi vous défendez-vous cette idée du revenu de base ? Parce que j'estime que aujourd'hui, hein, quand on voit dans le monde plein de monde a des problèmes pour manger, alors que parfois ce sont des pays qui sont exploités par l'Occident, donc il est inadmissible que la Terre produit suffisamment de richesses, suffisamment de produits pour que chaque monde puisse manger à sa faim correctement, et entendre qu'il y a des gens qui meurent de faim, des gens qui n'arrivent pas à bouffer tous les jours, et y compris dans les pays riches. Nous, nous sommes un pays riche, et on voit bien tous les problèmes, les difficultés, les gens ils courent à droite, à gauche, chez l'abbé Pierre, à la Croix-Rouge, etc., pour obtenir... C'est une forme d'humiliation. C'est presque une honte. Moi-même, je ne pourrais pas. Si je n'ai pas mangé demain matin, j'aurais peut-être à l'occasion de faire autre chose, mais certainement pas les mendianer une bouffée de manger. Et on estime que la terre est suffisamment riche, elle produit tellement de richesses, et lorsqu'un marmaï naît, il devient, lors de sa naissance, co-héritier de toutes les richesses qui existent. Et sur ces richesses-là, eh bien, il doit avoir un montant de la vie à la mort. C'est le, comme dit Loïc Damé, c'est un socle de la vie à la mort pour dire qu'il ne meurt pas de faim. Il n'y aura plus personne qui meurt de faim si on applique ça. Donc, pourquoi on ne veut pas le faire? Pourquoi il y a des gaspillages dans un côté et il y a des manques de l'autre côté? Alors que parfois, ces gaspillages n'est pas dû au fait que ces pays-là ne travaillent pas, ne produisent pas. Souvent, c'est beaucoup de pays où il y a des paysans, mais ils produisent pour l'Occident, justement, pour les pays riches, et leur peuple est dans la misère. Donc, c'est un plaisir, c'est un spectacle de regarder ça, alors qu'on a les moyens d'agir. Et ensuite, j'estime qu'il faudra voir le montant également, déterminer un montant où tout le monde est d'accord, parce que si c'est pour donner le RSA, ça n'a pas de sens. On voit bien que les gens ne vivent pas. Aujourd'hui, on donne quelqu'un 500 euros de RSA, quand il arrive la moitié du mois, il n'a plus rien. Donc c'est pas... Nous, on veut vraiment que ça couvre tous les besoins de l'homme, c'est-à-dire manger, boire, se vêtir, avoir son logement, etc. On reviendra plus tard sur le montant que vous imaginez les uns les autres pour ce revenu de base. Mais Jean-Yves Rochoux, alors vous êtes beaucoup plus dubitatif. Est-ce que c'est aussi facile que ça de réduire tous les problèmes avec une somme qu'on attribue automatiquement à tout le monde? Et quelles sont les limites? Et est-ce qu'on va réduire les inégalités? Oui, c'est une idée simple qui est tout à fait séduisante. Je pense que c'est un peu trop simple justement pour correspondre à une réalité qui, elle, est complexe. Alors, il faut en discuter parce qu'effectivement, on a un problème d'efficacité des prestations sociales. Il y en a beaucoup, elles sont très diverses. Finalement, il y a encore beaucoup de gens en difficulté, beaucoup de pauvres, au moins au sens monétaire. Je pense que par contre, le revenu de base a une faiblesse qui me semble assez claire. C'est qu'il fait l'hypothèse, finalement, qu'on va tout résoudre en versant un revenu supplémentaire. Je pense pas, pour ma part, que les solutions que rencontrent un certain nombre de ménages parmi les plus modestes passent uniquement par plus d'argent. Ça va passer par plus d'argent, c'est nécessaire, hein, c'est ce que disait mon voisin tout à l'heure. Jean-Pierre Teicher. Mais ça va aussi passer par un accompagnement. Est-ce que si on met en place le revenu de base, par exemple, est-ce qu'on pourra supprimer les missions locales? Est-ce qu'il sera plus utile d'accompagner les jeunes s'ils reçoivent ce revenu de base? Je pense que ça, c'est une véritable question. On est un petit peu avec le revenu de base dans une logique où l'incitation monétaire, au travers du marché, devrait ensuite faire tout ce qu'il faut pour qu'il y ait plus de pauvres, ou tout au moins moins de pauvres, et que ça permette de résoudre tous les problèmes posés aux ménages. Moi, je ne crois pas trop à cet aspect très, très optimiste du revenu de base universel. Un premier coup de fil au 02 62 99 2000. C'est Jeannot de Sainte-Clotilde qui nous appelle. Bonjour. Non, de la montagne. De la montagne, autant pour nous. Voilà, bah, bon. Mais ça reste Saint-Denis. Voilà. Bonjour, Jeannot. Oui, bonjour, bien. Oui, et bonjour tout le monde sur le plateau. Mais pas du tout d'accord avec ce système-là, moi. Pourquoi? Attends, si moi. Donc, si vous tombez d'accord, demain, mais si c'est mon cas, mais attends, l'argent, il est bac, alors. Il ne sert à rien, moi. De nos jours, il ne sert à rien d'avoir un revenu tout le monde. C'est pas ça qu'il faut changer, c'est en fait, c'est les loyers, c'est les trucs, les chiens ici à La Réunion. C'est ça qu'il faut changer, faut baisser un peu là-dessus. Nous, on travaille tous les jours 24/24, nous, les travailleurs. Moi, mais franchement, on a 38 ans, d'accord? Depuis l'âge 16 ans et demi, on travaille. Et bien, franchement, on m'a été au chômage un an, parce qu'on m'a voulu. Ah oui, c'était une question de volonté. Ben oui, parce qu'on m'était versé un an pour garder la sédic, si dans moi, bon pain. Sachant que je connais pas grand chose, mais moi, je connais ma boulot de travail, et même demain matin, je perds le travail, je perds mon travail, et n'empêcherait pas moi de trouver un travail facilement, parce que dans la semaine encore, on a passé un an sur notre radio. Ben, c'est un métier que je fais souvent, et 100% sûr que je n'aurai du marché, et même si je n'aurai pas ce marché-là, ben, je aura d'autres choses pour me gagner. Je vendrai de volailles sur le bord de la route, et ben, si je ne vends pas mon volaille, je connais mon volaille, c'est vraiment manger le soir. Là, ce truc qu'ils mettent en place là, ben, lui dit mon mari carrément, ben, mon garçon m'a dit une affaire, c'est plus rien de travail. Mais moi, m'a dit aussi, de nos jours, c'est travailler pour recevoir. Parce que si nous gardons dans ça longtemps, tu es une bataille pour gagner une affaire. Si vous ne bataillez pas, si vous ne tirez pas sur le tueur maintenant, les vraiment coupés à canne comme là, les durs, mais tout le travail mérite salaire. Mais désolé, mais il ne peut pas payer un monde assis son casque à ton argent débarqué. C'est impossible, c'est pas possible. Mais désolé, cette loi-là, il ne devrait pas la mettre en place. Moi, là, franchement, si je mets ça dans le chemin, ma sonne dans le chemin pour ça. Alors, on précise déjà, Jeannot, que c'est pas une loi, que c'est une idée qui circule, voilà, pour que pour l'instant, il n'y a rien de fait et loin de là. Merci pour votre participation, Jeannot. Voilà. On va faire réagir nos invités, bien sûr. Voilà, alors, vous n'êtes pas surpris de ce genre de réaction, j'imagine, Loïc Damey, vous l'entendez régulièrement. Est-ce que vous recevez les arguments de Jeannot qui dit, moi, mon marmaille, Midali reste assise son case? Bien sûr, c'est un des principaux arguments qu'on entend très souvent. Et c'est aussi pour ça que, dans le mouvement pour le revenu de base, on essaie d'informer pour essayer de faire comprendre certaines choses et lever certains a priori. D'abord, quand on fait des sondages, bien sûr, les sondages sont ce qu'ils sont. Quand on demande aux gens, si on vous donnait un revenu de base, est-ce que vous pensez que les autres continueront à travailler? à 80% répondent non. Ils vont rester chez eux, ils ne vont rien faire. Maintenant, si on pose la question dans l'autre sens, si on demande « Et vous, est-ce que vous allez continuer à travailler si on vous donne un revenu de base ?» Ils vont dire « Bah oui, bien sûr, je ne vais pas rester chez moi à rien faire. » Et comme disait Jeannot, lui, même s'il avait un revenu de base, il continuerait à travailler par ailleurs. Et c'est pour ça, la souplesse du revenu de base, c'est qu'il y a un revenu socle inconditionnel plus un revenu variable en fonction de ce qu'on a envie de faire, selon la période, si on a envie de faire des études, si on a envie d'aider ses parents, faire du bénévolat, etc. Et c'est très souple comme système. Donc, on a la possibilité de faire les deux. Je pourrais ajouter aussi que une des raisons aussi du revenu de base, c'est que contrairement au système actuel, par exemple, du RSA, c'est un système qui n'est pas incitatif à travailler. Parce que quand on a le RSA et qu'on commence à travailler, de l'autre côté, on nous enlève certaines aides auxquelles on a le droit. Et ce qui fait qu'au final, on ne gagne pas plus d'argent. Un revenu de base, dès qu'on commence à travailler, effectivement, on cumule ce qu'on a travaillé avec le revenu de base. Donc c'est beaucoup plus lisible, compréhensible. On supprime tous ces systèmes de contrôle, de radiation, de trop perçu. On simplifie le système. C'est vrai qu'il y a une complexité dans les aides sociales, les allocations que tout le monde reconnaît. Hein. Vous pensez, Jean-Pierre Teicher, et puis vous pouvez répondre évidemment à Jeannot également, que ça va permettre d'en finir avec cette usine à gaz un petit peu ? Tout à fait. Et puis, cette histoire, les gens, ils disent, on n'aura plus besoin de travailler. C'est complètement, pour ceux qui, je connais, à La Réunion, on a beaucoup de chrétiens. Donc, je les renvoie à la parabole des talents. Donc, parabole des talents, on vous dit, on vous donne ça, ça, ça. Vous pouviez l'amasser dans un coin de l'armoire. Vous pouviez le mettre chez la banque, le rapport des intérêts. Mais vous pouvez aussi travailler, faire travailler cet argent. Bon, et donc, s'enrichir. Donc, ce n'est pas interdit. Donc, il n'y a rien qui empêche les gens de travailler, de bosser, mais être à l'aise. Non, mais ensuite... là, ce que dit Jeannot, c'est qu'on va toucher de l'argent sans travailler. Non. Non, non, ça, c'est comme... C'est pour éviter qu'il y ait des gens qui crèvent de faim. C'est pour éviter qu'il y ait tous ces problèmes, ces difficultés. Les gens ne s'en sortent pas et sont obligés de courir à la commission de surendettement, Ils mettent des plans d'appuiement qui durent et qui ne marchent pas, etc. Et puis, cette histoire d'allocation où on base... Je prends l'exemple. Vous êtes tout seul, vous gagnez, on va dire, 400 ou 500 euros de RSA. Si vous êtes à deux, vous gagnez 600 ou 700 euros. Donc, on pousse les gens à être isolés, à être tout seuls. Bon, donc, on aurait intérêt à mettre l'accent sur la famille, sur les parents, les enfants et tout ça. Et donc, la personne qui va travailler, il va le faire avec plaisir. Il va faire ce qu'il a envie de faire. Il va faire des choses qui lui apportent une... Vous connaissez quand un monde, il fait une affaire avec obligation et l'autre personne qui fait avec passion, c'est pas la même chose qu'on fait avec amour, où on a autant, où on s'en taoue, où il aime, où a pu le temps passer, où il est pris par la chose. Or, quand vous travaillez, vous faites travail répétitif, vous les arrêtez, vous fatiguez. Donc, il n'y a pas de plaisir dans ce travail-là. Mais il y a certains postes de travail qui ne vont pas être supprimés pour autant. Ça ne veut pas dire que le travail deviendra forcément un plaisir. Ce sera peut-être pas forcément, il y aura toujours du boulot où il faudra bosser, mais je veux dire, sera payé et ça pourra compenser. Qu'est-ce que vous répondez, Jean-Yves Rochou, à Jeannot ? C'est-à-dire qu'il y a plusieurs choses. C'est le rôle de l'incitation monétaire au travail. Est-ce que ça joue négativement ou positivement ? Alors c'est très débattu, il y a tous les avis. Moi je crois que la réalité tient au fait que la population avec plus d'argent sans travail, elle peut aussi bien essayer de décrocher un travail qui l'intéressera plus que d'aller faire un tour à la boutique. Je veux dire, tout est possible entre les deux. Le seul problème, ce qu'on connaît pas, c'est la répartition du choix que les gens vont faire, parce que les gens sont très divers et en fonction du comportement, en fonction du contexte, les gens décideront de faire une chose ou l'autre. Mais ça, on n'en sait trop rien. Sauf ce qui a été indiqué tout à l'heure par le biais de sondages ou de choses comme ça. Enfin, lorsque les gens seront au pied du mur, en fait, qu'on saura véritablement, c'est comme pour le vote. Hein. Le sondage détermine une chose la veille, mais le jour du vote, les gens peuvent se décider autrement. Le revenu de base pour tous, bonne ou mauvaise idée, c'est dans l'actu ce midi sur Réunion Première. Midi 13h, c'est dans l'actu. Philippe Dornier. Et je vous rappelle le numéro de téléphone, le 02 62 99 2000, si vous souhaitez intervenir sur ce débat. Il y a aussi le canal SMS 06 92 608 335. On a reçu ce texto de Mireille Duport qui nous dit « Il était question de donner le RSA aux moins de 25 ans. Est-ce que c'est comme ça qu'on va encourager les jeunes à travailler ?» Moi, je dis non. Voilà, ça rejoint un peu aussi ce débat. Ça a été évoqué, c'était une piste. Qu'est-ce que vous pensez de cette piste, Loïc Damet ? Alors, encore une fois, contrairement aux idées reçues, le revenu de base, en fait, favorise la création d'entreprises. Quand on crée son entreprise, pendant un an, deux ans, on ne peut pas se payer de salaire. Si on met en place un revenu de base, on va permettre, justement, à tous ceux qui ont des idées de création d'entreprise, de pouvoir se lancer, d'essayer son activité, tout en étant sûr d'avoir malgré tout un revenu et de pouvoir vivre. Donc c'est une mesure qui favorise la création d'entreprises. Ouais. Et effectivement, pour revenir aussi sur ce qu'on disait tout à l'heure, le revenu de base va permettre de mieux négocier son salaire. Puisqu'on va pouvoir, on le voit avec les grèves actuellement, quand on fait la grève actuellement, on n'a pas de revenu. S'il y a un revenu de base inconditionnel, on va pouvoir dire à son employeur, bon ben, pendant un certain temps, je vais faire la grève, je ne vais pas gagner beaucoup, mais je vais survivre, et puis on va voir, est-ce que vous m'augmentez ou pas. Donc c'est aussi un moyen de pression pour les syndicats. Vous le pensez comme ça aussi ? Je réponds un petit peu à l'auditeur. Hein, donc, l'auditrice. Si on donne le RSA aux jeunes, moins de 25 ans, eh bien, ils ne voudront plus travailler, etc. Je trouve que c'est une méconnaissance. Qu'est-ce qu'on préfère ? Que les jeunes vont voler, vont casser, vont briser, vont être délinquants, et on va les mettre dans des prisons là-bas, il faudra encore que c'est le citoyen qui bosse, qui travaille, qui paye. Non. Bien sûr, tout le monde peut avoir une idée, etc. Mais je veux dire, j'estime que c'est un moyen. Alors, de deux choses, d'une, ou c'est un moyen pour permettre à chacun de pouvoir vivre sans être esclave de certains employeurs qui vous obligent à faire ça, qui payent mal, etc., qui ne déclarent pas, etc. Ou bien, comme dit M. Rousseau, ou bien on n'a pas besoin de tout ça, mais on crée du travail pour tout le monde, et on fout, puisque c'est la meilleure solution. Toute notre politique, elle n'irait pas tout à nous. On va créer des emplois, et regarde, c'est le chômage qui n'arrête pas d'augmenter, même si on ramasse mentaire et on fait croire le contraire. Vous y croyez pas à la baisse du chômage depuis un an à La Réunion, moins 0,6% sur un an, sur les chiffres officiels. Hein, les chiffres officiels, quand ça augmente, vous y croyez? Pourquoi vous y croyez pas quand ça baisse? Je ne crois pas plus non plus, parce que ça arrange. On met les chiffres en avant quand ça arrange. Bon, si on a envie que ça baisse, eh bien on crée les conditions pour que ça baisse. Et tous ces gens qui ne s'inscrivent même plus au Pôle emploi, ils sont où ? Ils sont dans l'intérieur, ils sont dehors. Et donc, on radie, on met en place un certain nombre de mesures, de critères, et on radie, boum, boum, boum, boum, on vire, et après on vous annonce des baisses du chômage. C'est facile. C'est facile de faire des choses pareilles. Vous qui êtes économiste, Jean-Yves Rochou, c'est vrai que c'est une critique qu'on entend souvent, ce que dit Jean-Pierre Téchin. Oui, mais ça, c'est le chômage en termes de demande d'emploi en fin de mois. Ça, c'est pas l'emploi, c'est l'inscription des gens au chômage. C'est une première chose. La baisse du taux de chômage que l'on constate actuellement, c'est celle qu'on obtient par sondage avec l'enquête de l'INSEE. C'est pas la même. Là, les gens n'ont pas besoin d'aller s'inscrire et l'administration peut pas rayer, effectivement... ne peut pas les radier de leur fichier. Donc, ce n'est pas du tout la même logique. Hein. D'accord. Et donc, vous dites le chômage... Oui, pour moi, le chômage diminue. Mais après, qu'est-ce qu'on appelle chômage ? Mais de fait, ça semble aller un petit peu mieux. Donc, il n'est pas anormal que l'emploi augmente et que le chômage diminue. Oui. On va prendre la direction de l'étang salé, tout de suite. 02 62 99 2000. Christian nous appelle. Bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue. Ouais, mais attends de dire mal à l'argent. Bon, à moi, mon question, mon problème, il entend. Là, aujourd'hui, un bonnet gagne un tiers et ça, il n'y a pas le droit à les couper un petit peu de canne pour gagner un petit complément et là, tu pourras donner l'argent gratuit. À quoi le gouvernement, il ne sait pas faire en sorte que le bourg, il perd les coupes son canne. Sans merde à lire. Ça, c'est pas plus facile pour faire. C'est-à-dire? Ben, laisse-les tous les gens et tout ça, et ça, les couples cannes sans tout son RSA après. C'est un complément, vous dites. Aujourd'hui, il y a encore un peu de cause avec cannes, j'aimerais dire qu'il n'y a pas les coupes cannes parce que si ça coupe cannes, il coupe son RSA. Alors, on en a parlé hier précisément, je ne sais pas si vous nous avez écouté hier, Christian. Voilà. Il y a des dispositifs qui existent, hein, pour cumuler les deux. Voilà. Vous n'êtes pas convaincu? Non, mais les dispositifs, là, ça, là, tu connais pas. C'est que le bonhomme qui dit tout ça, ça, en général, c'est un bonhomme qui dit appeler les papiers. Si ça commence à marier, il donne papier. Automatiquement, il ne s'en coupe son canne. Et on en revient à la problème de la paperasse, des difficultés administratives. Merci. Voilà. Après, ouais. Il y a une autre solution. Si on a l'argent, moi, à 6 ans, moi. Laisse le premier embauche, le bon gars, ça, mais complète son salaire, Paris, le SMIC, moi. D'accord, donc un RSA complété par le patron, et le patron ne verserait que la différence, c'est ça? Ben ouais, le bon gars gagne 600 euros RSA, ben il reste à moins 700 euros pour donner l'allier, et il travaille son douanier, et il gagne son SMIC. D'accord, et on... C'est facile qu'elle distribue de l'argent comme ça, et puis le bon gars ne travaille pas. Comment on fait? On va dire que le patron profite de ce revenu de base pour faire des économies de son côté. Des économies et embaucher la personne, il travaille, le bonhomme d'indignité, ça travaille. Et au lieu de donner l'argent qu'il est en train de donner, ça donne pourquoi le bonhomme précise. Merci, merci. Et les artisans, ils sont en train de crier que tu ne peux pas embaucher. Ben, c'est une solution. Vous les donnez, ben, on laisse embaucher. Est-ce que ce serait la solution? Merci Christian, Loïc Damet, le revenu de base qui serait le socle, ça c'est ce que vous dites, et puis ça viendrait pas un salaire forcément intégral en complément, mais peut-être l'employeur qui verserait juste la différence. Ben, tout à fait, en fait, certaines versions du revenu de base montrent ce système. Mais c'est un danger de faire baisser les salaires quelque part, non? En fait, il faut voir comment est-ce qu'on finance le revenu de base. Parce que, en grande partie, il est déjà financé par tous les minima sociaux. On pourrait considérer qu'une partie du chômage pourrait être intégrée, une partie des retraites aussi. Financé par les minima sociaux, ça veut dire qu'on stoppe les minima sociaux et on verse un revenu de base à la place. Oui, c'est ça. Alors, il y a certains hommes politiques déjà qui parlent de l'allocation sociale unique. C'est tout regroupé en un seul pour simplifier le système et puis tout le monde y a droit. Après. Par exemple, Manuel Valls a dit qu'il fallait un grand débat sur le revenu universel ciblé. Alors, quand on entend revenu universel ciblé, ça ne va pas ensemble. Soit c'est universel, soit c'est ciblé. Donc, effectivement, donc il est bien dans la mouvance, parce que vous savez qu'il y a beaucoup de rapports actuellement qui sont remis au gouvernement pour faire des études de faisabilité financière à propos du revenu de base. Et c'est pour ça que le gouvernement est obligé de rentrer dans ce débat. Donc, ce que disait Christian, c'est exactement ça, en fait. Il va pouvoir cumuler le revenu de base avec un salaire, ce que ne permet pas actuellement le RSA, ou alors c'est très compliqué. Et je voulais revenir aussi sur le chômage. Rapidement, parce qu'on on a encore d'autres appels. D'accord, sur le chômage. Moi non plus, je ne crois pas au plein emploi, pour la raison simple que, depuis les années 1910, on travaillait 2600 heures annuellement dans les pays de l'OCDE. Et aujourd'hui, en 2010, on travaille 1600 heures. Dans tous les pays développés, on travaille de moins en moins. On ne va pas pouvoir travailler de plus en plus. Avec l'automatisation, la numérisation, forcément, on travaillera de moins en moins. Et c'est une bonne chose. On va aller du côté de Saint-Benoît maintenant. Bonjour Jimmy. Bonjour Jimmy. Et si vous pouvez baisser la radio qui est juste à côté de vous, qu'on entend en écho, merci. Il n'y a pas de radio. D'accord. J'ai arrêté sur la route, c'est pour ça, il y a des... D'accord, on vous entend bien là. D'accord. Bon, moi je veux venir sur le salaire moyen de base, pour tout ça. Il y a un inconvénient et quelque chose de positif. C'est que l'inconvénient, c'est que les gens vont rester chez eux et ne plus aller travailler. Et le positif, ça va éviter que les gens meurent ou aient besoin de l'assistanat. Allô? Oui, on vous écoute. Donc, moi-même, je suis travailleur. Donc, ça va peut-être me pousser à rester chez moi. Vous, à votre niveau, vous pensez que vous arrêteriez de travailler? Non, moi, j'arrêterai pas. Mais certaines personnes pourraient réfléchir de la sorte. Et c'est ce que répondait notre invité Loïc Damet, qui est coordinateur, qui disait « Tout le monde dit ça, les autres vont arrêter, mais chacun à son niveau dit « Moi, je travaille ». Oui, mais par contre, comme on va revenir sur les données de l'argent au moins de 25 ans, là. Ok. Si on a de l'argent à donner les moins de 25 ans, il y a autre chose à faire avec cet argent. Au lieu de donner les moins de 25 ans qui n'ont jamais travaillé, de prendre les gens qui ont déjà travaillé, qui sont dans la cinquantaine, 50 en pré-retraite, de les envoyer en retraite et de compenser leur retraite, et les jeunes récupéreront la place. Ok. Ok, merci. C'est Jimmy, hein, c'est ça hein? Oui, c'est Jimmy Saint-André. De Saint-André, d'accord, d'accord. Merci de nous avoir appelé, Jimmy. On va enchaîner avec un autre coup de fil. C'est Jean-Pierre qui nous appelle de La Possession cette fois. Bonjour. Bonjour. Mais en fait, pas mal de questions que j'avais a été plus ou moins répondues précédemment. La première question que je me posais, c'est où va-t-on sortir cet argent? Vous pensez à quoi? Alors, vous, ce serait quoi la solution? Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas. Vous posez des questions. Voilà, je me pose des questions. Où va-t-on tirer cet argent? Ensuite, ne serait-il pas plus simple, ça j'en sais absolument rien, c'est aussi une question que je me pose, simplifier les aides, tout ce qui est les aides, pour revenir, au lieu de faire une multitude d'aides et une multitude de papiers, revenir à un truc beaucoup plus simple, qu'on appellerait revenu universel, j'en sais rien. Et voilà. Et puis le monsieur de l'étang salé, je pense qu'il avait dit quelque chose de juste. Pourquoi serait-il pas plus simple de transformer le RSA au lieu d'inventer une nouvelle couche d'administratif ou d'aide? Le problème de la France, c'est trop de papier. On est un pays informatique et informatisé, et à chaque fois qu'on achète un PC, on se retrouve avec des rames de papier en plus. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. J'ai du mal. Donc c'est ça, je pense qu'il y a trop de lois et il faudrait laisser la créativité des gens comme elle est dans les années 70. Celui qui voulait vendre son samoussa, il n'avait pas besoin de remplir plein de papiers, courir dans des bureaux à ne plus finir pour pouvoir vendre deux samoussas sur le bord de la route. C'est caricatural, mais ça représente bien que quand on a une idée en France, on peut pas faire valoir parce qu'on est découragé à cause de l'administratif. Voilà. Et je suis pour un revenu entre 18 et 25 ans. Merci pour votre participation, Jean-Pierre. Beaucoup de SMS également qui nous parviennent et qui disent un petit peu la même chose sur ces interrogations. Cet argent, il va sortir d'où? Quand il n'y aura plus d'argent à donner, que va-t-on devenir? Ce sera la misère. Voilà, ça c'est une réflexion par SMS qui est arrivée. D'où il sort l'argent? Alors rapidement, je vais vous parler de trois moyens. Alors le premier, c'est ce qu'on appelle le quantitative easing for people. C'est-à-dire que ça part de l'idée qu'au lieu que la Banque Centrale Européenne donne de l'argent aux banques, qu'elle le donne directement aux gens. Parce qu'actuellement, elle donne des milliards et des milliards aux banques. Et qu'est-ce que font les banques? Elles les stockent et puis finalement on arrive à un système de taux d'intérêt négatif parce qu'elles ne savent plus quoi en faire. Donc on marche sur la tête. L'idée, ça serait que ce soit la banque qui donne de l'ordre de 100 euros par an, par mois, par habitant. Ça serait la même masse monétaire qui serait créée. Au lieu d'être donnée aux banques, elle serait donnée aux gens. Ça ferait 100 euros par mois, par habitant, pour tous les Européens. Ça, c'est la première piste. La deuxième piste, c'est effectivement de partir de la base du RSA et de progresser par étapes. C'est-à-dire que on part du RSA, on l'individualise, c'est-à-dire que ce n'est plus versé aux couples, mais aux personnes. On l'automatise, c'est-à-dire qu'on ne demande plus à chaque personne d'aller déclarer combien est-ce qu'ils ont gagné, etc. Parce que toutes ces informations-là sont connues par les services fiscaux, par l'URSSAF. Il suffit qu'ils transmettent les informations à la CAF, qui verse directement aux gens. Et puis une troisième étape, ça serait de l'universaliser, et donc effectivement de le verser à toute la population. Ensuite, il y a une troisième possibilité, qu'on appelle le LIBER. Donc il y a des études, une thèse de doctorat qui a été faite sur le sujet et un livre qui part du principe du crédit d'impôt ou de l'impôt négatif tel qu'avait été présenté Milton Friedman dans les années 70 où il y avait eu des expérimentations aux États-Unis et qui part du principe donc de faire un impôt sur le revenu couplé avec la CSG de 23% ou 25%, on va dire le quart du PIB de la France, qui permettrait de donner 500 euros à chaque adulte et la moitié à chaque enfant. Donc 500 euros pour les adultes, 250 pour les enfants. C'est-à-dire qu'à partir de 18 ans, ça, on multiplie par deux. Oui, voilà, c'est ça. Oui. Et donc cette somme, c'est ça aussi que vous défendez, Jean-Pierre Teixeira, c'est une somme de la naissance vraiment jusqu'au décès. Bien sûr. D'accord. Bien sûr, on a cette garantie, on a ce socle-là. Et n'a rien qui empêche les gens d'aller travailler, de créer des entreprises, mais le fera avec goût. Et il sera aujourd'hui, c'est quoi la loi M. Khomri? C'est un peu ça le problème. Parce que on vous dit, ben, laissez le patron avec les salariés se débrouiller. C'est donnant, ils causent, ils sont assez grands pour se débattre. Mais quand vous devez payer votre loyer la fin du mois, quand vous devez donner à manger à vos enfants, vous n'êtes pas égal avec le patron qui lui, il a plein de milliards ou de millions en banque. C'est pas non, ça dépend des patrons. Tous les patrons aimeraient avoir des milliards en banque, c'est pas forcément le cas. Non, vous mais savez, dire, il n'y a pas sur le même pied d'égalité, parce que le patron, lui, il peut imposer des choses et où il a besoin pour manger, où il a besoin pour payer le loyer, pour faire face, où il a pris de l'obligation qu'il a accepté. Donc c'est presque un travail foncé, quoi, d'une certaine manière. Le revenu universel va globaliser toutes les prestations avec la disparition des CAF. C'est Yves qui nous dit ça. Alors, est-ce que ça, c'est quelque chose qui est dans l'air? Je ne sais pas. Jean-Yves Brochu, vous avez entendu parler de ça ou pas? Dans le principe, en fait, le revenu de base devrait amener à supprimer tous les intermédiaires qui existent aujourd'hui. Aussi bien parler des missions locales, de la CAF, de tout ce qu'on veut. C'est-à-dire, toutes ces choses-là devraient pouvoir disparaître. Je ne suis pas sûr non plus qu'il y ait une place pour les syndicats. Parce que le principe, c'est que c'est le patron là qui va se retrouver en position de force, celui qui aura les moyens, qui va faire la proposition à son prix. Il la fera d'ailleurs d'autant plus basse, semble-t-il, qu'avec le revenu de base, il sait que les gens ont un minimum. Donc, il est possible que c'est plutôt une tendance à la baisse des prix. Et l'organisation un petit peu intermédiaire que pourrait être un syndicat ouvrier dans cette logique, je la vois pas très très bien. On a une question de Marie de Saint-Leu au 06 92 608 335. Ce sera la dernière puisqu'on arrive à la fin de ce débat. Est-ce que le système de santé, la CMU, les retraites, tout va avec le projet de revenu de base? Alors là, ça dépend des versions. Il y a une note de la Fondation Jean Jaurès qui est proche du Parti Socialiste qui a sorti une étude il n'y a pas très longtemps. Et qui fait trois scénarios, un scénario à 500 euros, un à 750 et un à 1000. Et en fonction des différents scénarios, on intègre plus ou moins, effectivement, les retraites ou les différentes prestations sociales. Mais la grande question surtout, c'est est-ce que ce système de protection sociale qu'on connaît à la française, est-ce qu'il est maintenu? Ah non, mais là, il est amené à évoluer. Alors, on a créé le RMI, qui avait ses défauts, on a ensuite amélioré avec le RSA, le RSA Activité, on a constaté aussi que ça posait beaucoup de problèmes de non-recours. Et pour moi, la suite logique, c'est le revenu de base. D'accord, mais dans le revenu de base, on a une protection sociale. Est-ce qu'on concrètement, on va chez le médecin, oui. C'est pris en charge? Ah oui, ça, voilà, oui, bien sûr, ça s'est maintenu. Bien sûr, c'est maintenu. Oui. Jean-Pierre Teixeira? Tout à fait, parce que c'est pas si on donne quelqu'un, je dis n'importe quoi, même si on lui donne 1000 euros, il ne pourra pas être dispensé des aides au niveau de la sécurité sociale, parce qu'on sait quand vous avez des maladies graves, importantes, etc. Donc il ne pourra pas dire qu'il n'a pas, il ne sait pas d'une couverture médicale. Et ça, si c'est pas avec son RSA actuel, c'est pas non plus avec le revenu de base, s'il est à 500 euros, qu'il pourra le faire. Donc il faut qu'il y ait un revenu de base suffisamment pour permettre les besoins essentiels. Et ce revenu de base, est-ce qu'il peut avoir un impact sur les comptes publics? On sait que la Sécu, y a un trou gigantesque. Comment est-ce qu'on fait, Jean-Yves Rochou? Je ne sais pas trop. Si je savais, je serais au moins Premier ministre. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Je n'ai pas de projet dans ce sens-là. Non, c'est effectivement, il y a une discussion à avoir, puisqu'on a un système qui est pour l'instant relativement coûteux et qui ne donne pas toujours les résultats qu'on espère les uns et les autres, quelle que soit notre position sur le revenu de base. Je ne suis pas sûr que le revenu de base arrive à résoudre le problème. Par contre, j'aime assez l'idée de partir du RSA, bon, qui a tous les défauts du monde, mais enfin, comme nous tous, hein, partir de ça pour essayer de faire évoluer, pour aller vers autre chose. Ça me paraît une idée importante. On aura l'occasion de revenir sur ce revenu de base. Merci à tous les trois. Loïc Damet, coordinateur réunionnais de ce mouvement pour le revenu de base. Jean-Pierre Teixeira, le président du collectif de lutte contre l'exclusion. Et donc Jean-Yves Rochou, économiste. Derniers invités de C'est dans l'actu cette saison. L'émission fait un break pendant les vacances dès la semaine prochaine. Reprise des débats dans le 12-13 le mardi 16 août. Demain, comme tous les vendredis, vous avez rendez-vous avec Transversal, magazine consacré cette fois aux familles monoparentales, essentiellement des femmes qui s'occupent seuls de leurs enfants avec en toile de fond le chômage, la pauvreté et le surendettement. 15h-18h. Même à la limite, par la radio. Oui. Miwaus regarde et Féline. Donc, Oulala. Salamandiek, de l'autre après-midi, ils ont deux, hein, Michel aussi. Hein. Ben oui. Isabelle, là où on est là, vous avez un Le 15-18, Isabelle Waraud, Michel Lorette. Il est 12h55 sur Réunion Première. Toute l'actualité nationale et internationale avec nos confrères de France Info dans 5 minutes. Bon après-midi avec Chloé. Merci Philippe Dornier. Donc de très bonnes vacances à vous puisque vous revenez demain matin. Vous revenez demain matin. Oui, hein, si et demain midi, non. Demain midi. Je vous ai dit, demain midi, c'est transversal, vous n'avez pas écouté. Bah, je vous ai écouté, mais je voulais m'en assurer. Ah ben ouais, c'est des fois que je dirais des bêtises. Merci Philippe. À demain matin. Donc. À demain matin. Danser, fait rouler, défouler comme l'arrivée. Mon gâté Agathe, comment lui fait swinguer son petit cadence bien chaloupé. Ça nous ces gars, ils mettent au fait. Il faut pas calculer ces gars réunionnais. Midi, si t'oublies pas nos petits gars réunionnais. Sabana, la palais, ça vient là pour gâter. Tu veux faire rouler, mettre la main si côté pipi, les gars danser comme l'arrivée. Ça notre musique, notre qualité. Ça même y fait notre l'identité. Si tu tournes à l'île comme l'île, tu vas gagner, faire rouler notre cigare réunionnais. C'est gars chaloupé, bien cadencé. C'est gars piqué si le côté. C'était Natacha Tortillard, le Sega réunionnais. Dans quelques secondes, l'information avec la rédaction de France Info. Et ensuite, nous nous retrouvons avec plaisir pour passer le début d'après-midi ensemble, le 13-15h. Service première, à tout de suite. À la Réunion, France Info. Bonne matinée à l'écoute de France Info, il est 11h. Agnès Soubiran pour le journal. Bonjour Agnès. Bonjour Marie, bonjour à tous. Je viens de voter pour le maintien. Tweet ce matin du leader travailliste Jérémy Corbyn. L'issue du référendum qui se tient aujourd'hui outre-Manche est très incertaine. Et nous allons voir avec nos envoyés spéciaux que l'on ne vote pas pareil, que l'on soit londonien, gallois ou écossais, et que l'on soit jeune ou vieux. L'autre actualité de ce jeudi 23 juin, c'est bien sûr la manifestation cet après-midi à Paris contre la loi travail. Une manifestation sous très haute surveillance. Le parcours a été considérablement réduit et des effectifs supplémentaires ont été rappelés en renfort. À suivre également le tableau des huitièmes de finale de l'Euro avec un France-Irlande dimanche et nous allons vous raconter l'histoire d'un jeune supporter irlandais qui a pu retrouver son drapeau grâce à une belle chaîne de solidarité. La météo de Céline Dacosta dans 10 minutes, en résumé, des orages sur le nord-ouest, du soleil partout ailleurs, il fait très chaud, vous aurez entre 27 et 35 degrés cet après-midi en moyenne. France Info. Agnès Soubiran. C'est un référendum historique qui peut changer l'avenir de l'Union européenne. Plus de 46 millions d'électeurs sont donc appelés aux urnes outre-Manche pour décider du maintien ou de la sortie de la Grande-Bretagne dans l'Union. Les bureaux de vote sont ouverts jusqu'à 23h ce soir. Je disais, le scrutin est très indécis. Nicolas Taillard, vous êtes l'un des envoyés spéciaux de France Info au Royaume-Uni, où l'on vote différemment selon le lieu où l'on habite. Ouais, c'est l'une des particularités d'un scrutin marqué par les divisions. Les partis traditionnels, conservateurs, travaillistes sont divisés, les générations s'opposent. Et puis Agnès, en termes de territoire, c'est vrai que l'Angleterre se distingue en optant plutôt pour une sortie. Quand les Gallois, les Irlandais, les Écossais, eux, veulent rester en Europe, pour eux, eh bien Bruxelles, c'est une sorte de contre-pouvoir à Londres, au pouvoir central. Beaucoup d'aides européennes arrivent dans ces régions. Et vous verrez dans un quart d'heure que la situation est encore plus renversante en Écosse, où ce référendum pourrait en cacher un autre en cas de sortie. L'Écosse menace en effet de quitter le Royaume-Uni. On vous raconte ça à 11h15 en continuant de parcourir les rues de Londres où les bureaux de vote voient défiler des électeurs qui n'ont pas eu le choix. Ce matin, le maintien du parapluie s'imposait pour tout le monde. Merci Nicolas Taillard. Donc en direct de Londres, vous l'avez dit, c'est aussi souvent une question de génération. Les anciens sont plus eurosceptiques que les jeunes. À Brick House, Jérôme Jadot a rencontré un retraité impatient de dire goodbye au vieux continent. Reportage. À Brick House, impossible de manquer le pavillon d'Adrian Hartshorne, drapeau 23 juin Independence Day, placardé sur sa porte. Welcome. À 73 ans, c'est la première fois que cet ancien ingénieur non encarté s'investit dans une campagne. J'ai des sacs, vote livre, on a des ballons, vote livre, des crayons, vote livre. Quitter l'Europe, ce n'est pourtant pas ce qu'a toujours voulu Adrian. Lors du référendum de 75, il avait dit oui à la communauté économique européenne. À l'époque, nos leaders politiques nous avaient dit qu'on intégrait une union commerciale. C'était peu après la guerre, et faire du commerce facilement et librement avec cette Europe était une excellente idée. Mais le problème, poursuit le septuagénaire, c'est que cette Europe est allée au-delà. Ça a changé. Ils ont apporté leurs législateurs, leur parlement. C'est devenu fédéral et on n'a pas besoin de gens qui nous disent ce qu'on doit faire. Ils nous ont même obligés à vendre en kilogrammes et plus en livres. Un jour, ils vont nous empêcher d'avoir des verres en pinte dans les pubs. Et qu'importe si l'on peut toujours faire mention d'un poids en livres à côté des kilos, ce qui grève aujourd'hui son pays, selon lui, ce sont les immigrés venus d'Europe de l'Est, invisibles toutefois, Brick House. Je ne me suis jamais senti européen, conclut Adrian, sauf peut-être pour les vacances en Espagne et en France. Reportage de Jérôme Jadot. Les bureaux de vote ferment donc à 23h heure française. Premières estimations la nuit prochaine. Il est 11h04 sur France Info. Les syndicats s'apprêtent donc à manifester pour demander le retrait de la loi travail. C'est la 10e journée de mobilisation depuis le début du mois de mars. Et à Paris, le défilé se fera à partir de 14h sur un parcours de moins de 2 km autour de la place de la Bastille et du bassin de l'Arsenal. Un défilé sous haute surveillance. Plus de 2000 fonctionnaires de police sont mobilisés et une centaine de personnes se sont vues signifier l'interdiction de paraître, de manifester en quelque sorte. Le ministre de l'Intérieur a averti qu'aucun débordement, aucune violence ne sera tolérée. Olivier Bois. En théorie, cet après-midi, tous les manifestants pourront être contrôlés. C'est la grande différence avec les autres manifestations qu'on a connues. Quand vous avez un cortège qui défile sur plusieurs kilomètres, c'est impossible de contrôler tous les accès. Et c'est comme ça, le plus souvent, que les casseurs arrivent à rentrer dans la manifestation. Là, la police va organiser un périmètre de sécurité qui va englober toute la zone du défilé, qui est beaucoup plus restreinte. Les policiers vont tenir, en quelque sorte, tous les points d'accès, toutes les rues alentour, avec des contrôles possibles à tous les points de passage, des palpations. Les sacs à dos également seront ouverts. Par ailleurs, la préfecture a signé une centaine d'interdictions de manifester. Et puis, dernière disposition assez originale, vous savez que le cortège va faire le tour du canal de l'Arsenal, qui est juste à côté de la place de la Bastille. C'est un point qui inquiète un peu d'ailleurs les policiers à cause des risques de chute dans l'eau. Mais ça inquiète aussi les propriétaires de bateaux qui sont amarrés là. Eh bien, ceux qui en font la demande pourront déplacer leur bateau d'ici cet après-midi. La CGT et Force ouvrière ont également renforcé leur service d'ordre, mais rappellent que la sécurisation à l'extérieur des cortèges reste du domaine des forces de l'ordre. Le cafouillage gouvernemental hier sur l'interdiction, puis l'autorisation finalement accordée aux syndicats de manifester, suscite bien des sarcasmes à droite comme à gauche. Ainsi, pour Arnaud Montebourg, cette séquence est symptomatique des luttes qui se sont installées au sommet de l'État. L'ex-ministre de l'économie a animé hier soir la première réunion participative de son projet France à jouer les tours en Indre-et-Loire. Louise Baudet était sur place. D'abord, un immense éclat de rire devant le parcours en boucle de la manif parisienne. Ça résume le quinquennat, s'amuse Arnaud Montebourg, leader du projet français, pourfendeur du hollandisme. La journée a donné un triste spectacle assez dégradant pour l'autorité de l'État. On ne préside pas la France comme on gérerait les courants du Parti socialiste. Le pays est en grand danger. Dans la touffeur d'une petite salle bondée, Arnaud Montebourg s'offre un tour de chauffe, cite Jaurès, Lamartine, Bourdieu, Gambetta, par le renouveau démocratique et sauvetage d'une boîte en faillite. L'Europe. En faillite ? Bah oui, elle nous a prolongé des années dans la crise, là où tous les autres continents en sont sortis, parce que les politiques se sont rassemblés au centre, droite, gauche, indifférenciée, et que la seule alternative qui est offerte aujourd'hui au peuple français est le Front National. D'où le fameux projet France pour la candidature. On verra plus tard, même si le public n'est pas dupe. Il a une vraie dimension présidentielle. Je crois que c'est rassurant pour la gauche. Moi, je pense que c'est plutôt rassurant quand on met les idées avant les personnes. Après, on ne se fait pas non plus d'illusions sur ses ambitions, et c'est plutôt une bonne chose également. Quand on lui parle candidature, lui ne rigole pas. La primaire du PS, il n'a pas confiance. Les discussions avec les autres candidats, il évacue sèchement. Arnaud Montebourg, le pied sur le frein, ça peut arriver de faire un projet pour rien. Patrick Balkany, de nouveau dans le viseur de la Chambre régionale des comptes d'Île-de-France. Le rapport met en avant le cas de Jean-Pierre Aubry, ancien gardien de gymnase, payé 30 000 euros par mois par une société contrôlée par la ville de Levallois-Perret. Cet homme comme Patrick Balkany sont mis en examen pour fraude fiscale. Patrick Balkany qui, par ailleurs, vient d'être réinvesti par le parti Les Républicains pour les législatives de 2017. C'est le premier examen de leur vie. Près de 840 000 élèves de 3e passent aujourd'hui le brevet des collèges. Français ce matin, maths cet après-midi et histoire géo instruction civique demain matin. C'est la dernière fois que les élèves passent le diplôme national du brevet dans sa forme actuelle. L'an prochain, il sera modifié en raison de la réforme du collège et des nouveaux programmes. Les députés ont dit non à la surtaxation de l'huile de palme. C'était l'une des propositions de la loi biodiversité réexaminée en ce moment à l'Assemblée. Proposition qui avait entraîné les vives protestations des deux plus grands pays producteurs, l'Indonésie et la Malaisie. Et puis les députés se sont également prononcés pour l'interdiction des insecticides de la famille des néonicotinoïdes, utilisés dans l'agriculture et considérés comme des tueurs d'abeilles. Ces insecticides seront interdits à partir de septembre 2018, avec des dérogations possibles tout de même jusqu'en 2020. Attention aux orages, on vous le disait, 15 départements de l'ouest et du nord de la France sont en alerte orange. Météo France met en garde sur la possibilité de crues rapides de petits cours d'eau. On connaît donc le tableau des huitièmes de finale de l'Euro. Et la soirée d'hier a été marquée par les adieux sans gloire de Zlatan Ibrahimovic. La Suède en effet était éliminée après avoir perdu son dernier match face à la Belgique, 1-0. C'était donc le dernier match international d'Ibrahimovic. Les matchs reprennent samedi avec Suisse, Pologne, Croatie, Portugal et Galles, Irlande du Nord. Et pour la France, le prochain adversaire dimanche, ce sera donc l'Irlande. Les Irlandais se sont brillamment qualifiés en battant l'Italie 1-0 hier soir à Lille. Et parmi les supporters irlandais, il y en a un qui n'est pas prêt d'oublier son séjour en France. Il s'appelle Jamie. Ce jeune garçon qui se déplace en fauteuil roulant est accompagné de ses parents. Et en début de semaine à Bordeaux, il s'est fait voler son drapeau fétiche, vert, blanc, orange, aux couleurs de la République d'Irlande. Sur sa page Facebook, il a raconté sa mésaventure et sa tristesse. Résultat, une incroyable chaîne de solidarité s'est aussitôt mise en place entre Bordeaux et le nord de la France pour lui fabriquer un nouveau drapeau. Mission accomplie en 24 heures seulement. Jamie a reçu son nouveau drapeau à son hôtel juste avant le match hier soir à Lille. Le récit de Stéphanie Brossard. Et Philippe, le père de Jamie depuis le stade de Lille hier soir, aurait aimé avoir plus de vocabulaire en français pour transmettre toute sa gratitude. Merci, merci. Jamie était vraiment très content. Son drapeau lui manquait. Ça a vraiment